Chapitre 7e. Le lendemain eut lieu la crémation d'Anzilouti au funérarium de Bouc-Bel-Air. L'assistance était surtout formée des employés de quelques clients importants, reconnaissables aux grosses berlines desquelles ils descendaient. On prit discrètement des photos au téléobjectif et chacun put être facilement identifié. L'adage « l'assassin est toujours présent aux funérailles de sa victime » ne semblait pas se vérifier. À la fin de la cérémonie, les proches se réunirent chez Canéparo, où une collation fut servie. La bonne étant souffrante, Pronzati vint donner un coup de main. Vers 17h, Pérez reçut un appel urgent du frère d'Anna, qui voulait immédiatement la voir au domicile de sa sœur pour affaires graves. Pérez et Moussaoui trouvèrent Anna couchée, verte tellement elle était blanche. Depuis 3h de l'après-midi, elle avait vomi tripes et boyaux et n'en voulait pas démordre. On avait voulu l'empoisonner et elle voulait porter plainte. Alors que tout le monde avait mangé des mêmes plats, elle avait été la seule à être malade comme un chien. Appelé à son chevet, le médecin avait diagnostiqué une bonne gastro et était resté sourd aux accusations de son exubérante cliente. Devant la détermination d'Anna, Pérez demanda une expertise médicale beaucoup plus poussée. « C'est de l'arsenic, » répétait Anna. « Je le sens, j'en suis sûr. Et je sais que c'est Nadine, cette salope. Elle m'a foutu de la morora dans le café. » « Attention, Madame Gaffaro, c'est grave comme accusation, » fit remarquer Pérez. « Je m'en fous !» Pérez sortit fumer une royale dans le jardin, profitant de l'absence de Volpi. Son portable vibra dans sa poche. Son ex lui annonçait qu'il avait subi un scanner thoracique révélant des taches suspectes et alarmantes au poumon. Il avait rendez-vous avec un chirurgien thoracique de l'hôpital Nord pour une biopsie. Pérez jeta rageusement sa royale à terre. « Putain de clope !» rugit-elle. En martelant le mégot du talon. Ses yeux se mouillaient déjà quand Jejiga lui posa une main sur l'épaule. « Problème, ma grande ?» Pérez la mit au courant de son désarroi. « Et toi, ta tête, qu'est-ce que ça a donné ?» Au scanner, on a trouvé une tumeur assez grosse. Il va falloir m'opérer, si ça marche. Pérez la prit dans ses bras et lui couvrit les cheveux de baisers. « Ma puce, on va se battre, je vais t'aider, t'en fais pas. » De la fenêtre, le frère d'Anna les observait. Elles ont l'air d'avoir de la peine toutes les deux, mais ça m'étonnerait que ce soit pour toi, lança-t-il à sa sœur. L'après-midi, Volpi avait décidé d'aller au siège de l'entreprise Anzilouti et Canéparo Metalco dans la zone industrielle des mines pour glaner quelques informations auprès des employés. Vous allez venir avec moi, Moussaoui, mais je voudrais que vous vous mettiez en civil. Il faut que notre présence reste discrète. On prendra aussi Fabreg. « Il n'a pas un physique de flic, ce gars. »« Vous savez, patron, au bout d'un moment, ils sauront tous qui nous sommes. »« Oui, mais au moins on ne pourra pas dire que nous avons agi sans précaution. » Canéparo était absent, et c'est Berthier qui les introduisit. Volpi voulait savoir si Anzilouti n'avait pas eu maille à partir avec un employé, à la suite d'un licenciement ou d'un accident. Quand on perd son boulot ou quand on reste handicapé, on a la rancune tenace. Il y avait bien eu un problème avec un Nord-Africain licencié parce qu'il passait plusieurs mois au bled au lieu de bosser. Il avait menacé de couper le cou à tout le monde. Mais lorsqu'il avait fait venir sa famille, Anzi l'avait repris et depuis, son assiduité était exemplaire. L'ouvrier vouait à Anzi une reconnaissance éternelle. Par ailleurs, tous les employés soulignèrent la bonne entente qui régnait à la direction. Ce qu'Anzilouti promettait, Canéparo le tenait et vice-versa. En revanche, il était impossible d'obtenir de l'un ce qu'on n'avait pas obtenu de l'autre. Pas moyen de trouver la faille. Sur le parking de l'entreprise, Volpi remarqua une Porsche Boxster noire, comme celle qu'ils avaient croisée au chemin des Saint-Pères. « Décidément, c'est d'un commun, ces bagnoles, » remarqua-t-il. Volpi et Moussaoui revinrent donc bredouilles de leur visite à l'entreprise. Pérez fit un peu la tête d'avoir été écarté de cette visite. « Tu montes en faveur, ma chère Jejiga. » « Eh oui, la jeunesse. » « Oh, je t'en prie, hein, écrase !» Dans les jours qui suivirent, l'analyse du sang d'Anna ne montra rien d'évident, à part un taux élevé de transaminase dû au whisky dont elle abusait. En revanche, l'examen paraclinique révéla un gros calcul dans la vésicule biliaire, pouvant largement expliquer ses malaises. De toute évidence, il fallait l'opérer de toute urgence si on voulait éviter de nouvelles crises. Bien entendu, le procureur décida de ne pas donner suite à la plainte, car de toute façon, la morora n'était plus fabriquée à base d'arsenic depuis longtemps. Personne ne pensa analyser un cheveu d'Anna, qui aurait peut-être pu révéler la présence de ce poison. Elle avait surtout été victime de la parabole du berger qui criait au loup. Quoi qu'il en soit, à partir de ce jour, elle exigea que son frère et son épouse viennent habiter chez elle. Nadine, au passage, fut très étonnée d'apprendre qu'elle n'avait un frère. Parallèlement, on commença à fouiller dans le passé et les relations d'Anzilouti pour tâcher de trouver un mobile possible à son assassinat. Rompu aux pratiques habituelles de quelques grandes entreprises, Volpi serra d'à peu près les délégués des trois syndicats de la boîte, leur promettant de fermer les yeux s'ils parlaient. L'un d'eux, intelligent et pragmatique, lui dit ingénument qu'il fallait être fou pour tuer une poule aux œufs d'or. La brigade financière ne releva rien d'anormal dans la comptabilité et même les concurrents reconnaissaient que traiter avec Anzilouti et Canepao Metalco était un gage de sérieux et de sécurité. Par ailleurs, Anzilouti avait peu d'amis, pour ainsi dire aucun, à part Canepao. Il n'éprouvait pas le besoin de se lier et maintenait avec ses clients les relations juste nécessaires à la pratique bien comprise du commerce. D'après Canepao et les ingénieurs, aucun marché n'avait donné lieu à un litige, et ce depuis des années. Le notaire fut sommé de mettre à plat la succession d'Anzi, du moins dans ses grandes lignes. Il était évident que les premières personnes à suspecter étaient Canepao et les deux épouses d'Anzi, qui, tous les trois, pouvaient profiter substantiellement de sa disparition. Pour l'entreprise, par testament, Anna héritait de la moitié des parts de son ex-mari, Nadine de l'autre moitié. Si bien que Canepao et Anna possédaient chacun 40% et Nadine 20, c'était à son tour de jouer éventuellement le rôle d'arbitre. Canepao devenait seul dirigeant de la boîte et chacun savait bien qu'Anna et lui s'entendaient trop bien pour qu'il y ait du tirage dans la direction. On les filocha discrètement tous les trois sans découvrir rien de probant. On passa au peigne fin les comptes en banque de Canepao et des deux femmes, leur retrait en liquide. Aucune des sommes ne pouvait correspondre au paiement d'un tueur à gages, même à tempérament. Il fallait remonter plus loin dans le passé. Anzilouti était né à Torre Annunziata, petite bourgade de la province de Napoli, dans le sud de l'Italie. Pérez demanda l'aide de Volpi, qui parlait couramment italien, pour se renseigner sur la famille du défunt. « J'ai d'autres chats à fouetter pour l'instant. Allez voir plutôt le lieutenant Canavese, » lui conseilla Volpi. Il est d'origine piémontaise, mais je crois qu'il a vécu dans la province de Naples. En grimpant l'escalier, en se dandinant sur ses talons hauts, Pérez sentit le regard d'un gardien qui ne quittait pas les yeux son jean moulant, duquel elle débordait un peu. Très flattée, elle sentit un frisson de satisfaction lui caresser le bas du dos. « Tiens, se dit-elle, je devrais le mettre plus souvent, ce jean. Je suis encore capable de lever des mecs, et des plus jeunes que moi, encore. »« Donnez-moi sa date de naissance, » demanda Canavese. Tout ce que vous savez d'Anzilouti, et je vous garantis qu'on connaîtra toute l'histoire de la famille de Torre Annunziata. » Sur une carte, Pérez et Moussaoui réussirent à localiser le patelin. « C'est quand même pas la porte à côté, » remarqua Djedjiga. « Il y a plus de 1000 kilomètres au bas mot. » Grâce à Anna, remise de son opération, l'équipe découvrit le garage de mécanique des débuts, boulevard de la République et celui du pont de l'Arc. Anna leur exhiba les rares photos en noir et blanc qu'elle possédait, sur lesquelles on voyait Anzilouti, petit et trapu, Canepao, grand et mince, Anna, svelte et cambrée, tout ce petit monde souriant à la vie avec confiance. Tous ces clichés furent scannés et envoyés par mail en Italie. « Votre ex-mari et M. Canepao se connaissaient déjà en Italie, n'est-ce pas ?» demanda Volpi. « Ça, » répondit Anna, « je ne pourrais pas le certifier. » Par contre, je m'en souviens bien, la première fois que Canepao est venu au garage, ils se sont reconnus tous les deux et se sont embrassés. « Il faudra se rencarder sur ce point, » glissa Pérez. « Votre ex-mari n'avait pas de faute d'enfance avec ses parents ?»« Non, il ne m'en a jamais montré, je savais bien que dans ses affaires personnelles, il n'y en avait pas. Il ne recevait jamais de courrier d'Italie pour les fêtes ou pour son anniversaire ?»« Non. Il m'a toujours dit qu'il n'avait plus du tout de famille. » Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il avait quitté l'Italie. Vous étiez aussi originaire de la province de Naples ? Pas du tout. Ma famille est de San Frunt, en Piémont. Aldo n'a jamais voulu que nous y allions. Quelquefois, j'y ai amené mon père pour garder le contact avec les nôtres. En fait, il était clair qu'Anzilouti avait définitivement coupé les ponts avec l'Italie. Mais pour quelles raisons ? Certes, des raisons Volpi en imaginait. Anzi avait pu être sous le coup d'un contrat de la mafia. Peut-être s'était-il sauvé en devant des sommes énormes en Italie. Il avait assassiné un gars, qui sait, et la vengeance lui collait au train. Les carabinieri avaient affecté à Canavese un correspondant spécial, Russo, qui se révéla d'ailleurs être un de ses très lointains cousins. Il découvrit des Anzilutti dans la province dont certains avaient émigré en France, mais aucun d'eux ne portait le prénom d'Aldo. Dans les registres d'état civil, ceux des paroisses, il lui fut impossible de découvrir un quelconque Anzilutti répondant au signalement. L'état civil du défunt se bornait donc au papier français qu'il avait obtenu par sa naturalisation. « Ce que je ne comprends pas, s'étonnait Canavese, c'est qu'il a bien dû fournir un extrait de naissance, celui de ses parents, pour se faire naturaliser. » Comme les papiers français d'identité d'Anzilutti étaient manifestement des vrais, on en arriva tout naturellement à la conclusion que les certificats italiens qu'il avait fournis à l'époque étaient des faux. Si Anzilutti n'était pas Anzilutti, alors qui était-il? Depuis qu'Anavese était parvenu à cette conclusion, il était passionné par son enquête. En revanche, Volpi était loin d'être ravi que le dénouement de l'enquête fût remis à beaucoup plus tard. La véritable identité d'Anzilutti semblait le passage obligé vers l'élucidation de l'affaire. Ce matin-là, Gegiga, flanqué de deux gardiens, sortit du bâtiment en tenue, comme à son habitude. Dès que la voiture banalisée de Pérez longea le trottoir, elle ouvrit la portière et prit place à côté du capitaine. Les deux gardiens montèrent à l'arrière, comme deux grands gosses punis. « On peut savoir ce qui se passe ?» demandait Pérez. « Il y a le feu quelque part ?»« Roulez, roulez, capitaine, je vais vous expliquer. Prenez la direction de Pays Blanc. » À l'arrière, les deux gardiens ne disaient rien et regardaient alternativement les deux femmes. Dans son rétro, Pérez vit que Volpi suivait derrière, seul dans sa voiture. « Je suppose que le patron est au courant de ce que nous allons faire ?»« Mais oui, ne vous inquiétez pas, » dit Gegiga. « C'est lui qui pilote la mission. » Les fichiers de port d'armes ont parlé, et vous ne devinerez jamais qui on a trouvé dedans. Devant des tiers, les deux femmes avaient coutume de se vouvoyer. Ce n'est pas parce qu'on est des civils qu'on doit négliger la discipline et l'autorité. Canepparo fait partie de la liste. Mais le gars qui m'a renseigné à la préfecture est un mec de première. Il a trouvé qu'Anzilutti possède également un revolver 9 mm de 4e catégorie. La déclaration date de 3 ans. Nadine ne peut pas le conserver, à moins d'en demander elle aussi l'autorisation. Il faudra qu'on la lui confisque en attendant. Je n'aime pas que des flingues se baladent dans la nature. Bon, le patron a décidé de commencer par Canepparo. Lorsque Pronzati leur eut ouvert le portail télécommandé et que les voitures pénétrèrent dans la cour, l'engin apocalyptique de Canepparo sortait du garage. « Vous voyez, capitaine, » dit un des gardiens, « ces engins, c'est comme la burqa, ça devrait être interdit. On ne sait jamais qui est dedans. On dirait des robots monstrueux et malfaisants. Pour moi, c'est une incarnation du mal. » « Tiens, » se dit Pérez, « celui-là a l'air plus futé que les autres. Il faudra le conserver pour d'autres missions. » De plus, Petricoul, c'était son nom, ne pouvait passer inaperçu. Sa tenue lui allait comme un gant. C'était le cas de le dire, puisque son pantalon qu'il avait dû faire reprendre le moulait avantageusement. Son crâne était presque rasé, à l'exception d'une touffe blonde juste sur le sommet du crâne. « On aurait dit qu'il s'était posé une grosse biscotte sur la tête, » pensa Pérez. Quant à Volpi, il avait déjà fait des remarques à cet agent sur son look. Canepparo descendit du véhicule, ni surpris ni intrigué en apparence. Il se dirigea vers les quatre policiers et serra la main de chacun avec un sourire. « Alors, demanda-t-il, il y a du nouveau ?»« Plutôt, » dit Volpi en répondant à son salut. « Nous venons de découvrir que vous possédiez un permis de port d'armes de 5e catégorie. » « Et je suppose que vous voulez voir mes armes ?» Canepparo les fit pénétrer dans le salon d'une invitation cordiale de la main et demanda à la bonne de leur servir des cafés. Puis il se dirigea vers une jolie vitrine en noyer qui renfermait un râtelier d'armes. Il ouvrit grand les deux portes vitrées. 5 fusils étaient rangés verticalement, lançant de sombres reflets bleutés. Les 5 flics s'approchèrent du meuble pour observer les armes de plus près. « Voilà !» dit Canepparo en prenant le premier fusil et en le présentant aux autres. « Ça, c'est un calibre 12 à pompe pour le sanglier. Celui-ci, c'est un calibre 16 à canon superposé pour le baltrap. Celui-là est aussi un calibre 16, mais à répétition. Et là, vous avez deux carabines. L'une est une 22 mm et l'autre une réplique de la fameuse Winchester 30-30, vous savez, celle du Far West. Pérez enfila des gants pour pouvoir manipuler les armes que lui passait Canéparo au fur et à mesure. Volpi laissa faire et observait. Pérez remarqua que Canéparo regardait attentivement ses mains. Il n'avait jamais vu Michel Pérez de près et n'avait pu encore la détailler. Elle sentit le regard légèrement concupiscent de l'homme parcourir son corps et ressentit une légère excitation. « Ça, c'est une femme, » se dit Canéparo, forte, bien bâtie, courageuse, avec ses yeux bleus et durs, des mains puissantes, des jambes. Il était tellement dans son rêve qu'il éprouva comme une douleur quand Volpi rompit le charme. « Vous n'avez aucune arme de calibre 7 mm ?»« Ah, ça, c'est autre chose, » s'exclama Canéparo. Il ouvrit un tiroir au bas du meuble et en sortit un étui noir. Il contenait, sur un lit de velours bleu, les pièces noires d'une carbine démontable sur le canon de laquelle étaient gravés Harrington et Richardson. Pérez remarqua dans l'étui un long cylindre noir dans lequel elle reconnut un silencieux. « Celle-ci est munie d'un silencieux, n'est-ce pas ?»« Oui, c'est une arme que j'utilise pour la chasse aux chamois ou aux chevreuils. » Lorsque vous tirez un coup de fusil en montagne avec l'écho, vous êtes sûr de faire fuir le gibier à des kilomètres à la ronde. Le silencieux, c'est pour ne pas effrayer les autres animaux. Mouais, soliloqua Volpi. Ça permet aussi de dégrouper les gens sans faire de bruit. Canéparo sortit l'arme de son étui et la monta très rapidement. La carbine était munie d'une lunette qui, en principe, ne se démontait pas. Elle ne tire qu'un coup à la fois, mais elle a l'avantage de pouvoir tenir facilement dans un sac à dos. Et puis c'est extrêmement précis, à condition de savoir tirer, bien sûr, dit-il dans un sourire. Et elle tire des balles de 7 mm ? Demanda Pérez pour confirmation. Oui, exactement du 7.64, regardez. Et Canéparo montra au policier une boîte contenant ses munitions. Volpi le laissa replacer l'arme dans son étui, puis s'en saisit. Nous allons l'emporter, aux fins d'analyse. Ah bon ? Fit Canéparo. Pourquoi celle-ci seulement ? « Tout simplement, monsieur Canéparo, parce que l'arme utilisée par le tueur est du même type que celle-ci, et les munitions correspondent également. » Le visage de Pérez s'était durci. Canéparo prit un air dépité, comme étonné qu'une femme qu'il trouvait tant à son goût pût lui en vouloir. Elle eut dans ses yeux la déception mêlée à l'envie, ce qui la fit sourire. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Canéparo, c'est une simple vérification. » Plus rien ne les intéressant pour l'instant, les policiers prirent congé. En les raccompagnant, Canéparo glissa un billet dans la main de Pérez. Elle le lut à l'insu de ses collègues. « Voudriez-vous dîner avec moi ? » avait-il griffonné. Leurs regards se croisèrent. Pérez comprit dans les yeux de Canéparo qu'elle lui plaisait beaucoup, certes. Mais il y vit également une grande tendresse prouvant qu'elle l'avait réellement ému. Pour sa part, Canéparo crut déceler chez Pérez une certaine curiosité, voire de l'intérêt à son égard. Elle lui tendit à son tour une carte et lui dit simplement « Oui, téléphonez-moi. » Une fois au volant, elle se mit à réfléchir. En acceptant un rendez-vous, n'allait-elle pas se fourrer dans la gueule du loup ? Pourquoi ne serait-ce pas lui qui leur avait tiré dessus ? Il possédait l'arme idoine et était certainement bon tireur. Il n'habitait pas loin et connaissait parfaitement les habitudes d'Anzelouti. À l'idée de se retrouver seule avec lui, elle eut une montée d'adrénaline, un coup de fruit défendu dans la bouche. Pourtant, dans les yeux de cet homme, elle avait lu de l'envie et non de la haine. De toute façon, se dit-elle, il sortira toujours quelque chose de cette rencontre. Elle eut envie de s'en ouvrir à Djedjiga, mais la pauvre fille avait d'autres préoccupations. En parler à Volpi, hors de question. Il se ferait un plaisir de la chambrer avec une remarque acerbe. Pourtant, il fallait qu'un collègue soit au courant, au cas où les choses tourneraient mal. Berthaud, voilà, seul le commandant Berthaud, près de la retraite, discret, pondéré, efficace, pouvait lui donner son avis et la protéger le cas échéant. « Il y a un problème ?» dit Djedjiga, étonné du silence du capitaine. « Non, non, aucun. On va bien voir ce que donne l'examen de l'arme. » Mais Djedjiga avait envie qu'on lui en dise un peu plus long sur cette visite. Elle se tourna vers les deux gardiens à l'arrière de la voiture. « Et vous, les jeunes, qu'est-ce que vous pensez de ce type ?»« Jeune, tu parles, » pensa Petricoul. « Elle a juste 3 ou 4 ans de plus que nous. »« Bon, d'accord, dans la tronche, ce n'est pas la même chose. »« Mais ce n'est pas une raison. » Pétricoul répondit quand même. Pour moi, c'est l'archétype du bel italien sur le retour, pété de thunes en plus. Mais il a l'air sympa. Pas le genre de type qui se la pète. Vous voyez ce que je veux dire, lieutenant ? Tout à fait, répondit Jadjiga. Il m'a fait la même impression. Pérez resta silencieuse. Sans qu'elle voulût se l'avouer, elle était troublée du contact avec un éparo. Mais elle savait aussi, d'expérience, que les meilleurs assassins peuvent être des personnes attachantes. Elle prétexta vouloir fumer une cigarette pour rester dans la cour et laissa monter Jadjiga dans les étages. Elle appela Berto sur son portable. Coup de bol, il était dans son bureau et lui promit de descendre tout de suite. Elle lui expliqua rapidement son problème. « Il te fait peur, ce type ?» demanda Berto. « Non, pas vraiment. Mais on ne sait jamais ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. J'ai l'impression que je lui plais vraiment. Mais ça ne l'empêcherait peut-être pas de me taper dessus ou de me tordre le cou. D'un autre côté, comme il est possible que ce type soit le coupable, ce serait dommage de rater une telle occasion de lui tirer les vers du nez. Je crois que tu as raison, Pérez. Tu tireras peut-être plus d'infos de lui que lors d'une garde à vue. N'accepte pas de le rencontrer seul à seul chez lui. Préfère un resto tranquille. Il te faut au moins deux ou trois témoins. Berto réfléchit un instant, puis il lui suggéra un petit resto sympa à Calas. J'habite à côté, lui dit-il. Si jamais il y a du grabuge, je ne serai pas loin arrivé. Et d'ailleurs, j'y pense. Ce type ne me connaît pas, donc je peux même me débrouiller pour être sur les lieux avant, si tu m'informes du rendez-vous. Attends tout de même qu'il t'appelle, laisse-le venir. Puis il ajouta, après une seconde, « Mais je ne vois pas pourquoi tu n'en parles pas, Volpi. Je veux bien te couvrir, mais ça risque de te retomber sur le bec. Tu sais comment il est. » « Non, pas vraiment, mais j'apprendrai. »